الحمد لله المتعال، الواحد القهار، العزيز الغفار، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. والصلاة والسلام على الضحوك القتال، على من علمنا العز والفداء، ومقاتلة الأعداء، والسير في درب الشرفاء، محمد بن عبد الله إمام الأتقياء، ورضي الله عن الصحابة الأقوياء، الذين قاتلوا من خالف الحنيفية السمحاء، ولو كان من أقرب الأقرباء، وانطلقوا مهاجرين في البر والصحراء، وقدموا برهانا لذلك الأشلاء والدماء، وفتحوا الأمصار تلو الأمصار، ليعبد الناس رب الأرض والسماء. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخاخ الشيخ، بإذن الله on se rencontre durant cette soirée bidnillah pour parler sur certains points très très très importants, notamment le point qui est le jihad durant ce temps-là. Est-ce qu'il est fard ayn ou fard kifaya? C'est-à-dire, est-ce que le jihad à notre époque, est-ce que c'est une obligation pour chaque personne? Chaque personne doit le faire. Donc, ce qu'on appelle fard ayn. Et on a le jihad qui est fard kifaya, c'est-à-dire que si certains le font, si certains musulmans peuvent le faire, il n'incombe pas aux autres. Et donc, on sait, comme vous savez, que le jihad qui est fard ayn, c'est-à-dire que c'est une obligation pour chaque personne. C'est-à-dire que si tu le délaisses, tu es athim, c'est-à-dire que tu commets un péché, tout comme en délaissant les ordres que Allah Azzawajal nous a ordonné de faire, tout comme la prière, le jeûne et les autres actes d'adoration que Allah Azzawajal nous a ordonné de faire. Donc, oui, l'asaf al-shadid. Oui, l'asaf al-shadid fi hadha al-zaman. ضيع مفهوم الخلافة ومعنى الخلافة واسترجاع الخلافة. On voit que, للأسف, beaucoup de gens, par manque de science, ou par insouciance, ne font pas attention comme quoi le fait de rétablir un État islamique est une obligation et le fait de le délaisser, on tombe dans un péché ithm. D'accord? Donc, le khilafa, هذا الهدف العظيم. هذا الهدف العظيم الضائع للأسف الشديد بين جهل المسلمين وتجاهلهم. بين جهل المسلمين وتجاهلهم. Et donc ce khalifa, on verra bi'idhnillah fi mihwarain, kayfa yunassab, comment il arrive pour diriger les musulmans, comment et quelles sont les conditions qu'il faut bi'idhnillah. On verra ça. Donc Amir al-Mu'minin huwa man bay'ahu ahlul hal wal 'aqd. Donc ahlul hal wal 'aqd, c'est si on peut traduire ça par les gens de la solution et du contrat. Donc on essaie de traduire, mais c'est jamais exactement ça. Donc man bay'ahu ahlul hal wal 'aqd min al-muslimin 'ala al-hukm bimadha bi kitabillah, c'est pour qu'ils jugent avec quoi? Avec le livre d'Allah azza wa jal, wa iqamatu al-jihad fi sabilillah, et instaurer le jihad fi sabilillah. Donc cette personne-là, on lui doit atta'a, on lui doit de l'écouter et de lui obéir dans les moments durs, dans les épreuves, tout comme dans les moments d'aisance, les moments où il y a pas de guerre. Donc tu l'écoutes. Et c'est là, et c'est sur ce khalifa que s'applique le hadith أطيع أميرك ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. Donc tu écoutes ton émir, ton khalifa, tu l'écoutes, même si tu prends ton argent et fouette ton dos. Et fouette ton dos. Donc tu l'écoutes. Tu l'écoutes. فالمسلمون تجاهلوا هذا الأمر أي إقامة الخلافة فإنهم يجهلون أن هناك هدفا ينبغي السعي لتحقيقه. Donc ce point que les gens doivent arriver à l'instaurer, c'est quoi? C'est al-khilafa. C'est un état islamique qui ordonne le bien, qui interdit le blâmable, qui yuqimu hudud Allah azza wa jal. Et ils croient, en fait, les gens, ce qu'il y a, c'est qu'ils croient que Khilafa, c'est un conte de fées ou c'est une histoire qu'on raconte. C'est quelque chose que on lisait auparavant et que ça n'a rien à voir avec la vie d'aujourd'hui. Non, c'est quelque chose, c'est un wa'd, c'est une promesse d'Allah Azzawajal. On verra des versets, subhanallah. C'est un wa'd, c'est une promesse, et que chacun, alayhi ala kulli wahid minna, alayhi an yas'a li tahqiqi hadha. Donc on verra, bi'idhnillah, ayat tadullu ala anna al-jihad fard. وسننظر إن شاء الله عز وجل متى يكون الجهاد فرضا كفائيا. Quand est-ce que le jihad, en fait, il est une obligation que si certains musulmans la font, elle n'incombe pas aux autres. On verra que, parce que, au jour d'aujourd'hui, les gens de tahajjum, les murji'a, ils te disent, ils te mettent des conditions. Ils te mettent des conditions, je ne sais pas d'où ils les ont sortis. Comme a dit le Nabi alayhi sallam, kullu shartin laysa fi kitabillahi laysa bi shart. Et si tu ramènes une condition qui n'est pas dans le livre d'Allah Azzawajal, ça veut dire que je ne sais pas d'où ils ont ramené comme quoi le jihad n'est pas établi que si wali khamrihim, si leur amir, qui est un murtad, c'est lui qui leur donne l'ordre de faire le jihad. Sinon, s'il n'y a pas l'ordre de leur amir, de leur comme El Saloul, s'il n'y a pas l'ordre, eh ben, on ne fait pas le jihad. Mais ces ignorants, ils ne savent pas qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un jihad d'affaires. On est, d'accord, on est dans un jihad d'affaires jusqu'à que l'émir, Khalifat al-Mu'min qui a au jour d'aujourd'hui, Abu Bakr al-Baghdadi, الحسين القريشي حفظه الله وأدام في عمره وسدد خطاه دونك شكا كو أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي أغيف دونك سي أن جهاد دفع دونك دير كو إلفو لوتوريزاسيون دو ولي الأمر tu parles de quel ولي الأمر هذا ولي الأمر جبري c'est-à-dire que c'est il est arrivé au حكم il est arrivé au jugement il est arrivé à imposer sa loi dans les pays qu'on a, les pays de Tawarit, il est arrivé sans les conditions que doivent y avoir. C'est-à-dire qu'il est arrivé comme ça, sans les conditions. On verra bien que les conditions ne sont pas établies pour qu'il juge. Et en plus de ça, il ne juge pas avec les lois d'Allah. Il juge avec les lois de kuffar, de français ou d'européens. Donc, on verra l'obligation du qital. Le qital, il a été mentionné dans le Coran à plusieurs reprises, dans plusieurs versets. Ta surat al-Qital, surat Muhammad, ta surat al-Tawba, ta surat al-Anfal, ta surat al-Baqara, ta surat al-Saf, ta surat... Tu as plusieurs versets. Ou Allah a plus surat al-Nisa, al-Ma'ida, tu t'entends parler de jihad. Donc, premier verset, nous on va s'appuyer sur des versets, et on va s'appuyer sur les dires des ulama qui sont connus donc le premier verset on va citer le verset que tout le monde connaît قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب أي فرض donc il a été prescrit comme dans un autre verset on a كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Pourquoi on prend ce verset qui parle de Sriyam, qui parle du jeûne, et pourquoi on ne prend pas ce verset qui parle de Qital? Ici, tu as Qital, tu n'as pas jihad, pour pas qu'on dise, ouais, jihad nas, jihad shaitan, jihad... Non, jihad munafiqin, jihad mubtadi'a. Ici, tu as, Allah Azza wa Jal, il a employé le mot Qital. Kutiba alaykumul Qital, wa huwa kurhun lakum. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Il vous est désagréable. Regardez, subhanallah, ce mot. Il t'est désagréable. T'aimes pas. Tu n'aimes pas aller combattre. Et dans un autre verset, il faut tawba. Allah Azza wa Jal, قال Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. Regardez, subhanallah, ce verset. Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsque l'on vous dit, et lancez-vous dans le sentier d'Allah. Vous vous êtes appesanti sur terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? La vie ici-bas vous agrée-t-elle plus que l'au-delà. Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Alors, la vie ici-bas, c'est peu de choses par rapport à ce qui t'attend au paradis, bi-idhnillah. Ma lakum idha qiyakum unfiru fi sabilillah thaqaltum min al-ard. Ça y est, tu es lourd, tu veux pas te lever. Ça y est, tu veux pas te lancer. Donc, ça, c'est bon, c'est des versets. Bon, c'est des versets. On a où Allah Azzawajal appelle au combat qui est une obligation individuelle. Après, on a le fard kifaya. Fard kifaya, c'est quoi? Fard kifaya, huwa idha jahada ba'du al-muslimin wa kana adaduhum kafiyan. Regardez, on va. Wa kana adaduhum kafiyan li mulaqati al-adu. Fayasqutu al-ithmu 'an al-baqin. Donc ici, subhanallah, lorsque le jihad il est fard kifaya, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoirement, il n'est pas obligatoire individuellement. D'accord? Donc si certains musulmans combattent et que leur nombre est suffisant pour rencontrer l'ennemi, yasqutul ithmu 'anil baqin. En fait, le péché, ceux qui sont restés, ils ne prennent pas de péché parce qu'ils ne sont pas partis combattre. D'accord? Mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, est-ce que en Palestine, en Irak, en Syrie, ils ont assez de gens, assez d'hommes pour combattre? Pourquoi les gens, les musulmans du monde entier, ne vont pas les aider? Est-ce qu'ils sont assez là-bas? Non, la réponse est non, ils sont pas assez. Donc, obligatoirement, il devient fard'ain. Il devient obligatoire individuellement. Donc, comme Allah Azzawajal a dit, Faddala Allahul Mujahideen bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina daraja, wa kullan wa'ada Allahul Comme Allah Azzawajal a dit, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités. D'accord? Sauf ceux qui ont quelques infirmités. Wa qala Allah Azzawajal, sourate Tawba, كذلك, wa ma kana al-mu'minuna lienfiru kaffa. Ici, on a fait fard al-kifaya. C'est-à-dire ici dans Fard al-Kifaya, Allah Azzawajal a dit, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. D'accord? Il y a donc les do'afa ou les gens qui ont ilm ou la justice. Fard al-Kifaya, on parle ici de Fard al-Kifaya. Fard al-Kifaya, c'est-à-dire que le jihad, il n'incombe pas à chaque personne en son nom propre. C'est-à-dire que si certains le font, il n'incombe pas aux autres. Donc, et aussi, on a un hadith qui est qui est général, qui est pas spécifique à chaque personne. Moi, le prophète, alayhi hadith rawa al-Bukhari, le prophète, alayhi a dit, « Umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad al-Rasulullah, wa yuqimu salata, wa yu'tu az-zakata, fa idha fa'alu dhalika, asamu minni dima'ahum, وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Ici le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils témoignent qu'il n'y a aucune divinité que Allah et que Mohammed est son messager عليه الصلاة والسلام, son prophète. ويقيموا الصلاة, et qu'ils établissent, établir, ويقيموا, qu'ils établissent la prière et qu'ils font la zakat. S'ils font ceci, c'est-à-dire s'ils font quoi? S'ils font la prière, s'ils font le zakat, s'ils témoignent comme quoi il n'y a nulle divinité que Allah et que Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, son messager, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. En fait, l'isam, c'est une corde avec laquelle on attrape et on ferme une gourde. Une gourde en pain, donc en argile. À l'époque, il fermait ça avec une. Hadawal Aissam. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Et hadi kinaya. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. C'est une façon de parler pour montrer comme quoi ces gens, leur sang et leur argent est interdit s'ils font ce que le prophète a cité. Wa amwalahum illa bihaqq al-islam. Sauf avec le droit de l'islam. Wa hisabuhum à Allah. Et que c'est envers Allah Azzawajal qui rendront les comptes. Wa hisabuhum à Allah. D'accord? Et ici, dans ce hadith, Abu Bakr, quand le prophète salam, était mort, les gens, en fait, ils se sont apostasiés. Donc, Omar ibn Khattab, il a refusé au départ de les combattre. Omar ibn Khattab, il a pris comme dalil ce hadith. Il a dit, ouais, t'as pas entendu, le prophète alayhi salam a dit, Omar ibn Khattab, bon, al-hadith. Il lui a dit que al-zakat wa salah, les hadiths c'était sur mani zakat. Ils ont refusé de donner zakat. Ils ont dit non, zakat on l'a donné au prophète alayhi salam. Aujourd'hui, il est pas là, on la donne pas. Donc, il les a combattus pour zakat. Et il leur a dit wallah la uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa az-zakah. Ça c'est la parole de qui? De Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Il a dit wallah, je combattrai ceux qui séparent la prière de la zakat. D'accord? Fa innahuma min haqqi l'islam. Non, ces deux choses, ce sont des droits de la ilaha illallah. Ouais, on a aussi un autre hadith dans Sahih Muslim, ou hadith Abi Huraira radiallahu anhu, où le prophète alayhi sallallahu alayhi dit: Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsah mata ala shu'batin min an-nifaq wa fi riwaya mata mitatan jahiliyah. C'est un hadith authentique dans Muslim. Les hadiths qu'on voit, ils sont tous authentiques, c'est soit Bukhari, soit Muslim. Le prophète alayhi sallallahu alayhi dit: Celui qui ne combat pas, malam yaghzu, celui qui ne combat pas, wa lam yuhaddith nafsahu bih, ou wa lam yuhaddith bihi nafsah, et il pense pas au fond de lui de faire le combat. Il pense pas au fond de lui de faire, celui qui pense pas au fond de lui de faire le combat, mata ala shu'batin min an-nifaq, il sera, s'il meurt, il mourra sur une branche d'hypocrisie. Dans une riwaya, il mourra sur une branche, wal iyadu billah, de jahiliya, mitatan jahiliya, une mort jahiliya, d'ignorance. Wal iyadu billah. Donc, c'est pour ça que al-muslim da'iman yuhaddithu nafsah. فلا خيار له إما أن تغزو وإما أن تحدث نفسك بالغزو. T'as pas d'autre, une troisième situation. C'est soit tu combats, soit au fond de toi, tu as la pensée et tu te prépares à faire le combat. هذا هو منهجنا وهذه عقيدتنا ولو قالوا فينا أننا خوارج ولو قالوا فينا أننا حرورية كلاب النار هلو مجرة داكوغ سبحان الله وغادي لو فيرسي د الله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وسبحان الله c'est c'est des hypocrites, des gens qui parlent, des gens subhanallah que on entend que des gens qu'on suivait depuis qu'on a connu ce tayyar, cette voie mubaraka et cette aqida, des gens des chouyours qu'on suivait jusqu'à qu'on a été choqué par certains qui défendaient ce tayyar, qui défendaient les moujahidines, qui défendaient le jihad et tout, jusqu'à que on les voit aujourd'hui dénigrer cette voie là subhanallah, tan wal hamz wal lamz fi al mujahidin wa fi al jihadiyin wa fi hatta qala ahaduhum yani al adnani hafidhahu Allah wallah لا أرضى أن يكون عندي تلميذا. Je crois que certains chouïkh, il a dénigré le Cheikh Al-Adnani, Hafidhahullah, il a dit, franchement, je n'aimerais pas qu'il soit, ne serait-ce un élève chez moi. Subhanallah, j'avais dit, c'est au contraire, c'est le Cheikh Al-Adnani qui t'acceptera pas en tant qu'élève chez lui. C'est bien le contraire. Mais subhanallah, il y a des gens, ils n'ont pas présenté ni d'armes, ni d'argent. Que ton état et que tes paroles fassent plaisir si ton état ne le permet pas. Si tu n'arrives pas à combattre, que ta langue et tes paroles fassent plaisir. Subhanallah. La huwa qatil, wa la huwa jahad, wa la huwa taraka al-mujahidin, yujahidun, salima minhum al-nasara wal-yahud, wa lam yaslam minhum ikhwanuhum al-muslimun, فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي وأن يهديهم. Donc ces gens-là, subhanallah, ils ont laissé personne. C'est des chouyoukh. C'est des chouyoukh. Chaque fois qu'on a dit, ouais, cette khilafa, elle est batila. Donc on a dit que cette khilafa, chaque fois qu'on a entendu dire, ouais, cette khilafa, elle est batila. D'accord? Donc, et on verra que, subhanallah, regardez dans ce verset, fariha, ils ont été contents. Ils ont été contents. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ. Ils ont détesté de faire le jihad avec leur argent et leur âme dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. Donc, pour traduire, verset, bon, surah Tawba, verset 81, Allah Azza wa Jal a dit, ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux. Subhanallah, le verset. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah, du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah et ils ont dit, ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dit, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur s'ils comprenaient. Regarde ce verset, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur si ils comprenaient. لو كانوا يفقهون نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. D'accord? On verra subhanallah l'ijma, comme quoi si ne serait-ce un enfant d'une terre musulmane est prise d'assaut, il est obligatoire pour les musulmans, obligatoire individuellement pour chaque musulman d'aller leur porter secours. هذا إجماع. Et celui qui خالف من خالف الإجماع والله لا يلتفت إليه. Celui qui va à l'encontre du إجماع, on le regarde pas. On entend des prédicateurs subhanallah en France. Il y a personne qui est là pour faire des réfutations, pour leur répondre. Des gens qui ont vendu leur religion, des gens qui ont vendu leur religion et qui mangent le pain avec la ilaha illallah. والعياذ بالله والله سي دي فوا دي بريتا ساي une personne qui monte sur le tronc c'est bon c'est un imam il faut le suivre ça y est il vient avec son zid saoudien je sais pas où il se croit où subhanallah il y a personne pour la répondre il parle avec hawa il parle pas avec ilm كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بيننا وبينهم voilà on ramène on a des textes coraniques. Et on regarde la tradition prophétique. Et c'est notre manhaj. Il n'y a pas ce hadith, aujourd'hui on ne le prend pas, on prend ce qui nous arrange, non. On prend tous les hadiths, et à partir de là, on porte un jugement sur al-mas'ala. Hada huwa manhaj al-sunna wal-jama'a. Donc c'est notre méthodologie, bi-idhnillah. Donc, نقل عن عطية في تفسيره الإجماع وقعده نقل عن عطية في تفسيره الإجماع على فرضية الجهاد الابتداء والطلب دكوخ. فقال رحمه الله واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفائي فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقية دكوخ شكيسي. Il parle de fard kifaya, c'est-à-dire que si quelqu'un, si certains musulmans le font, il n'incombe pas aux autres. Il a ici surligné avec un feutre, il a an yanzil al-adou bi sahat al-islam fa huwa hina idin fardun ayniyun. Et tu dis, mis à part, et tu dis, je récapitule ce qu'il a dit, il a dit le jihad pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est fardun. C'est-à-dire qu'il n'incombe pas aux musulmans. Si certains le font, il n'incombe pas, il n'est pas obligatoire pour les autres. Sauf si l'ennemi rentre dans les terres de l'islam, il devient, alors là, mettez surligné, obligatoire. Il devient obligatoire individuellement pour chaque personne. Il devient individuellement pour chaque personne. Et on a aussi la parole de Ibn Hazm al-Andalusi. Fil Mahalli. صفحة 300 مجلد 7 إلى جيكوا ولا إثم بعد الكفر، هو قاعد سبحان الله، ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار. هو قاعد دي بارول personne peut les repousser, personne peut les renier. Il dit, Ibn Hazm, il dit, il n'y a pas de péché plus grand. Plus grand, il n'y a pas de péché plus grand que la mécréance, que celui d'interdire de faire le jihad contre les koufars. Il n'y a pas de péché plus grand que la mécréance, que celui de faire le jihad aux koufars. C'est-à-dire que après le koufr, tu dis le plus grand péché qui vient après le koufr billah azza wa jal, c'est quoi? C'est interdire de faire le jihad au kuffar. Et si le jihad, si on parle de jihad, c'est le qital. Et l'obligation de mettre un amir et de suivre ce qui dit le amir, suivre ce que dit Allah, suivre ce que dit le prophète alayhi salam, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur un verset, sourate Nisa. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول إلى السنة، وأولي الأمر منكم voilà. Après on a quoi؟ أولي الأمر منكم. Mais ces gens qui dirigent les musulmans, d'accord, on les écoute, mais fil ma'rouf, on les écoute, fil ma'rouf. Oh, vous les croyants, obéissez à Allah, hadihi ta'a mutlaqa, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Au jour d'aujourd'hui, qui détient le commandement? Amir al-Mu'minin Abu Bakr al-Baghdadi. Wa ragma unufi al-haqidin al-juhal. Puis, Allah Azza wa Jal, puis, si vous vous disputez, donc, s'il y a un conflit, si vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et son messager. Donc, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, ici, subhanallah, le fait de renvoyer un conflit, une dispute, de la renvoyer et de remettre le jugement, de revenir au jugement d'Allah Azza wa Jal et de son prophète, est une condition pour la croyance en Allah et au jour dernier, comme ils ont dit le Mufassirin. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux pour vous et une meilleure interprétation, c'est-à-dire aboutissement. D'accord? Donc on verra, bi'idhnillah, qu'est-ce que les chouyours, les savants, disent sur le jihad qui est fard'ain. Et quand est-ce qu'il devient fard'ain? Parce que bon, on a des amalgames, on a des... Les gens ne savent plus où ils en sont. On verra ce que disent les chouyoukhs, bi'idnillah. Il dit le cheikh Islam al-Jaymi, rahmatullahi alayh, fi majmou' al-fatawa al-kubra, mujallad 4, il dit, wa amma qitalu al-dafa, il dit, wa amma qitalu al-dafa, fa huwa ashaddu anwa'i daf'i al-sa'il, ani al-hurmati wad-din, واجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط كالزاد والراحلة بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. أما قتل الدفع أو كومبا de protection, c'est-à-dire combat, on appelle ça combat défensif, pas offensif. Le jihad offensif, c'est jihad talab. Jihad défensif, c'est-à-dire qu'il y a le dafa. فهو أشد أنواع الدفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماع. Et tu dis, c'est une obligation. Le jihad défensif est une obligation à l'unanimité des savants. Qu'est-ce que tu veux entendre de plus? فالعدو الصائل, donc l'ennemi, transgresseur, الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. D'accord. Donc au sujet du jihad défensif, dont le but est de faire repousser un agresseur, donc c'est le type de jihad à caractère obligatoire qui pèse le plus. Il y a une unanimité qu'il faut protéger la religion et ce qui est sacré. Et tu dis ensuite le premier engagement après la foi, le premier engagement après la foi, qui est Tawhid Billah Azzawajal, le premier engagement après la foi consiste à quoi? À repousser l'ennemi agresseur qui assaille la religion et ses affaires. Et tu dis, il n'y a aucune exigence conditionnelle telle que des approvisionnements, moyens de transport, autorisation du père. Non, mais plutôt, il faut combattre avec les moyens disponibles immédiatement. Ça, c'est pas me dire. Ça, c'est dire de Cheikh Islam Taymiyyah rahmatoullahi alayh. Ensuite, il dit, l'imam al-Qurtubi, fi Fath al-Bari, Mujallad 6, safha 30, quiconque est au courant de la faiblesse des musulmans vis-à-vis de leurs ennemis, et qui sait qu'il peut les atteindre, et qui peut les aider, il lui incombe aussi de se lancer au combat. Subhanallah. دفع الكفار من بلادنا يقول دفع الكفار من بلادنا هذا يكون فرضا عينيا بل أهم فروض الأعيان ويتعين في حالات. Ensuite, ils te disent que on a des situations, quand est-ce que le jihad devient une obligation individuelle. Donc les savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين. إذا دخل الكفار, donc on a quatre situations, peut-être qu'il peut en avoir plus, mais celle que les savants citent le plus, c'est quatre situations où le jihad devient individuel. إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين وهذا يدل عليه قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. Donc إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين. Donc les conditions nécessaires pour que le jihad devienne une obligation pour chaque musulman, sans quoi, quand les mécréants entrent et envahissent une terre musulmane. Quand les mécréants entrent et envahissent une terre musulmane, comme en Irak, comme en Afghanistan, comme au Mali. Donc, tu as les koufars qui viennent et transgressent et rentrent dans les pays musulmans, si ça devient une obligation. Subhanallah, même un animal, même un oiseau, si on vient et on essaie de lui faire du mal et on rentre chez lui, ou je sais pas moi, n'importe quel animal, il se défend. Comme on voulait ne pas vous défendre, subhanallah. C'est-à-dire, tu veux te laisser faire? Tu veux te faire tuer? Hein? Tu veux faire comment? Tu ne te défends pas? Donc, إذا دخل الكفار بلدة بلاد المسلمين. Donc, si les mécréants rentrent ou envahissent une terre musulmane, il devient une obligation pour chaque musulman. Donc, deuxième point, إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان. Donc, ça veut dire quoi? Quand les lignes de bataille commencent à se rapprocher et à se rencontrer, ça devient une obligation. Et le délai, c'est quoi? C'est قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Donc, ne leur tournez pas le dos. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, إذا استنفر الإمام أفرادا أو قوما وجب عليهم النفير. Donc, ici, si le khalifa, il demande, il lance un appel au jihad, pour la communauté musulmane, ça devient une obligation. Ça devient une obligation. والدليل قوله تعالى الحديث حديث صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. D'accord, حديث il a été rapporté par Ibn Abbas رضي الله عنهما. Donc la هجرة بعد الفتح, il n'y a pas de hijra après l'ouverture de la Mecque. C'est-à-dire que après l'ouverture de la Mecque, on ne fait pas l'exode, on ne fait pas le hijra de la Mecque vers Médine. C'est-à-dire que c'est terminé, c'est bon. On a ouvert la Mecque, les gens, ils n'ont plus l'obligation de partir à Médine, ce qui était obligatoire auparavant. La hijra ba'd al-fath, walakin jihadun wa niyyah, wa idha istanfartum fanfiru. Et donc, ouais, il y a sans façon, enfin, jihad, donc, il y a une intention, il y a un jihad et une intention. Et, et si on vous appelle à combattre, répondez à l'appel. Répondez à l'appel, et ça devient une obligation. Donc, فوجب قتالهم. D'accord? Ici, au quatrième point, quand les mécréants capturent et emprisonnent un groupe de musulmans, ça devient une obligation. Comme, قوم الخفت عليه الصلاة والسلام من دين الحديث: عوذوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني وفكوا العاني. صديق كوا سي ليبيري ليبيري ليبيري ليبيري لو بريزوني فك العاني. شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه الى دي ك ليبيري لو بريزوني لا بلو اي لا شوز لا بلوز اوبليغاتوار. الى دي ك ليبيري لو بريزوني اي لا شوز لا بلوز اوبليغاتوار دون لا ريليجيون دو الاسلام. D'accord. Donc on a vu les situations où le jihad devient une obligation individuelle. Donc au jour d'aujourd'hui, pour des gens qui sont loin de la Syrie, des gens qui sont en France, ils sont dans deux situations. C'est quoi? C'est que les koufars, les mourtadines, ils ont envahi les terres musulmanes en Irak et en Syrie. D'accord. Donc ça devient une obligation pour eux. Et aussi, tu as le troisième point, quand l'imam appelle une personne, comme il l'a fait, le Cheikh Al-Adnani, le Cheikh Oubakr Al-Baghdadi, ils ont appelé, ça devient une obligation. Ça devient une obligation pour toi, pour moi, et celui qui délaisse, qui ne répond pas à l'appel, il devient athim. Il devient athim. D'accord. نكتفي بهذا القدر. سمير بإذن الله في الحصة المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.